moment. Allez, le voilà, notre athlète français qui continue sur sa lancée. Il est concentré, il s'avance. Et voilà, ça y est, c'est la victoire. Il ouvre son contrat chez EDF. Mais quelle émotion, c'est un grand moment. Passez une rentrée de champion avec EDF. Jusqu'au 10 septembre, ouvrez un contrat d'énergie chez EDF, fournisseur officiel d'électricité renouvelable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et tentez de remporter vos places, dont deux pour la cérémonie d'ouverture. Infos et conditions sur edf.fr/une-rentrée-de-champion. L'énergie est notre avenir, économisons-la. C'est sans conteste la découverte qui, en 2022, a passionné les Français. Celle à la croisée de l'histoire, la grande histoire. Il faut dire que l'incendie de Notre-Dame de Paris avait suscité effarement, que les travaux de reconstruction avançaient à marche toute militaire, surtout que rien, absolument rien, ne prédisait que les archéologues puissent avoir l'opportunité de fouiller en son sein des saints. Peu importe si ce fut un miracle, puisque les découvertes sont à la hauteur de la grande cathédrale, non pas des pierres, mais des sculptures, non pas des tombes, mais des sarcophages. Fouiller n'est que la première étape, celle de la collecte des données primaires. Ainsi, les deux étonnants sarcophages de plomb ont été depuis ouverts. Pouvait-il s'agir de momies, centenaires de Toutankhamon oblige, ou tout au contraire, de quelques grands dignitaires? Au nom de la science, voire du passé, fallait-il d'ailleurs décapsuler ces deux grosses boîtes de conserve? Faudra-t-il les réenterrer? La recherche en est à ses débuts, mais ce soir, le magazine de l'archéologie de France Culture reprend le sujet avec Christophe Beignet. Éric Trubesi, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Christophe Beignet, vous êtes archéologue à l'INRAP, mieux, le coordinateur de cette étonnante fouille au cœur de Paris. Bravo donc. Incontournable paléo-anthropologue biologique habitué de l'émission, Éric Trubesi, vous êtes professeur à l'université de Toulouse 3 Paul Sabatier et membre de l'Institut universitaire de France. On se souvient surtout de vos recherches, dont Louise de Kango et de vos momies sibériennes. Merci d'être ce soir en duplex des studios de France Bleu Occitanie à Toulouse. Christophe Beignet, de février à juin de l'année dernière, vous avez ouvert une fouille à la croisée du transept de Notre-Dame. Une occasion unique et des découvertes d'exception. Absolument, absolument. Effectivement, comme vous venez de le dire très justement, on a fouillé à la croisée du transept, qui est un lieu particulièrement important dans une cathédrale et dans une église en général, puisque la croisée, donc les églises et cathédrales ont une forme de croix. Ici, on se situe au centre de cette croix, à la croisée justement entre l'axe formé par la nef et le chœur et l'axe formé par le transept. Et on est à un endroit où en général se situait traditionnellement le maître-autel qui permettait donc à l'ecclésiastique d'officier la messe. Et donc là, on est vraiment entre la nef et le chœur. On est au pied du jubé médiéval qui fermait pendant tout le Moyen-Âge et l'époque moderne l'espace entre les fidèles et l'espace entre les ecclésiastiques. Et donc, on a eu l'opportunité de fouiller à cet endroit-là, sur ce carré, donc à peu près sur une surface de 100 mètres carrés. En raison de la nécessité de reconstruire la flèche et la voûte de la croisée du transept. Les conditions étaient particulièrement difficiles, liées au plomb et à des procédures sanitaires exceptionnelles. Oui, parce que donc l'incendie a généré une très très grande pollution au plomb. Donc dès le début, l'établissement en charge de Notre-Dame s'est chargé de décontaminer au plomb l'édifice, mais il restait à l'époque de la fouille beaucoup de résidus de particules. Donc on a dû intervenir au début en combinaison spécifique avec des masques à assistance respiratoire et à haute filtration. Après, donc ça c'était vraiment sur les premières phases d'intervention, mais plus on est descendu dans les niveaux archéologiques, plus la pollution au plomb était moindre, donc on a pu au fur et à mesure alléger un peu le protocole. Alors la grande découverte, c'est bien entendu la mise au jour du jubé médiéval, des sculptures dont on connaissait l'existence via les travaux de Viollet-le-Duc au 19e bien sûr. Exactement, tout à fait. Pendant au 19e siècle, dans les années 1850-1860, Eugène Viollet-le-Duc a percé de très nombreux réseaux de chauffage, qu'on appelle les calorifères, et à l'occasion de ses travaux ont été exhumés de nombreux vestiges archéologiques, dont d'ailleurs certaines sépultures en plomb, des sépultures aussi plus classiques, je vais dire, en cercueil de bois, mais aussi quelques éléments sculptés présentant une facture du début du XIIIe siècle et qui ont été rapidement attribués au jubé médiéval. Et ces éléments sculptés, on en trouve encore 8 qui sont conservés au Louvre, dont un qui est exposé, qui est particulièrement magnifique, qui est Adam et Ève et la chaudière de l'enfer. Et on en trouve aussi encore une vingtaine dans les réserves lapidaires de la cathédrale de Notre-Dame. Donc on avait ce corpus qui était très limité pour la connaissance du jubé médiéval, dont on n'a aucune représentation iconographique précise avant sa destruction. Et lors de la fouille, on a retrouvé en réalité plus de 1000 éléments sculptés, dont plus de 600 sont peints, qui appartiennent à ce jubé médiéval. Donc là, c'était une découverte absolument exceptionnelle qui va permettre de renouveler complètement la connaissance de ce chef-d'œuvre artistique du début du XIIIe siècle. C'est la grande découverte quand même de Notre-Dame. Honnêtement, c'est une vraie découverte exceptionnelle. On sait que dans d'autres cathédrales, on avait eu l'occasion aussi de retrouver des jubés qui étaient enfouis de manière assez similaire d'ailleurs, à Chartres notamment ou à Noyon. Mais pour Notre-Dame, c'est une découverte à laquelle on ne s'attendait pas. D'autant plus qu'on les a identifiés immédiatement sous le niveau de sol du XIXe siècle, sous le dallage mis en place par Eugène Viollet-le-Duc. Donc en fait, ce trésor reposait à 10-15 cm seulement de profondeur sous le sol actuel. Vous exhumez aussi 2 sarcophages en plomb. Étaient-ce les premières sépultures découvertes dans la cathédrale ? Non, ce n'étaient pas les premières sépultures découvertes, puisqu'il y avait eu, lors des travaux de construction de cryptes au XVIIIe siècle, le caveau des archevêques, la crypte Soufflot, il y avait eu déjà des corps exhumés et des cercueils en plomb. Lors des travaux de Eugène Viollet-le-Duc au XIXe siècle aussi, et il y en avait eu un notamment qui avait été trouvé lors des travaux de réfection du chauffage au sol en 1982. Par contre, donc là, c'était déjà il y a plus de 40 ans, enfin il y a 40 ans. Là, par contre, c'est la première fois que l'on retrouve des cercueils en plomb dans Notre-Dame et qu'on peut les étudier avec les outils modernes qui sont mis à notre disposition et les moyens de conservation modernes aussi. Éric Crubezy, le plomb a de véritables propriétés de conservation. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut que c'est un métal qu'on peut facilement tordre, qui est assez mou, donc faire des cercueils ou des sarcophages en plomb, c'est, je dirais, une technique qui est finalement relativement aisée. Et le plomb va fournir un élément qui peut être totalement étanche. Donc ça, c'est un premier élément. Et justement, dans ces cercueils qui sont totalement étanches, si les corps, la température ne varie pas trop, et ce qui peut se passer, par exemple, si le cercueil est étanche et que les corps sont enveloppés dans des vêtements, on peut avoir une véritable momification naturelle des corps, ce qu'on appelle des adipocires, c'est-à-dire qu'en fait, les masses musculaires vont se transformer en cire. C'est ce qu'on retrouve parfois chez certains saints, et c'est ce qu'on appelle l'odeur qui s'en dégage, c'est ce qu'on appelle l'odeur de sainteté. Donc, premièrement, c'est un élément qui doit être clos hermétique, et deuxièmement, il y a des propriétés antiseptiques qu'on retrouve aussi dans le cuivre, par exemple, et il y a certains éléments en plomb qui étaient connus dans la pharmacopée ancienne pour, effectivement, comme antiseptique. Donc on a ces deux éléments, si vous voulez, premièrement étanchéité et deuxièmement antiseptique. Et cela ne va pas dénaturer les futures analyses ? Alors, si, parce qu'en fait, premièrement, quand ces deux cercueils ont été ouverts, Christophe peut en parler, parce que dès la fouille, nos collègues se sont aperçus que ces cercueils, en fait, avaient souffert, si vous voulez, et ils ont souffert de plusieurs façons. De toute évidence, il y en a certains qui ont pris des coups, notamment un qui a certainement été transporté. Donc l'air a pénétré et l'eau avait pénétré à l'intérieur. Donc on n'a pas retrouvé de corps comme pour Louise de Quingot, mais des squelettes qui, heureusement, étaient très bien préservés. Donc ça, c'est un premier élément. Christophe Beignet, l'utilisation du plomb est une pratique, semble-t-il, ancienne et réservée donc à des populations fortunées ? Oui, tout à fait. De par le coût du matériau en premier lieu, c'est une pratique ancienne puisqu'on en retrouve dès l'Antiquité. On a notamment trouvé en France quelques cercueils du IVe siècle qui présentent des caractéristiques très différentes de ce qu'on a pu trouver nous. Ce sont des cercueils qui sont très massifs, très lourds. Nous, les cercueils qu'on a retrouvés, finalement, ont des plaques de plomb beaucoup plus fines. de l'ordre de 3,5-4 mm d'épaisseur. Et en plus, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont anthropomorphes. Ils sont façonnés selon la forme du corps. Donc la tête extrêmement bien dessinée, les épaules et le reste du corps jusqu'aux pieds qui se resserrent. Et ce qui a été intéressant dans cette fouille, c'était que ces deux cercueils sont morphologiquement très distincts. Éric Crubézy, de tels sarcophages, vous en avez déjà fouillé ? Oui, on en avait déjà fouillé, notamment avec Rosenkölter, celui donc que vous citiez de Louise de Kingour, parce que c'est un mode de sépulture qui apparaît à partir du milieu du XVIe. Alors justement, on pourra en parler. Une des questions qui se pose, c'est la datation de l'un de ces cercueils. Est-ce qu'il est antérieur ou est-ce qu'il est, est-ce qu'il se situe bien postérieurement au milieu du XVIe siècle, parce qu'à cette époque, il y a une volonté parmi la noblesse de conserver les corps, qui semble liée au Concile de Trente, qui était donc une réaction de l'Église catholique face aux protestants. Les protestants, si vous voulez, étaient pour un allègement des rites, quelque chose qui soit plus personnel que les fastes de l'Église catholique. Et donc il y a un concile qui dure plus de 20 ans. Et au cours de ce concile, on assimile notamment, il y a une discussion qui agitait l'Église depuis de nombreux conciles, mais sur le fait que la résurrection de la chair soit la résurrection des chairs. Et donc, les nobles, notamment, vont essayer d'être préservés, d'où cette forme anthropomorphe qui, en fait, a deux significations. D'une part, ça va conserver le corps, voire le squelette, dans sa forme initiale, en empêchant les os de bouger, ou le corps de bouger. Et d'autre part, c'est ce qu'on retrouve à l'époque médiévale, vers l'an 1000, c'est la mandorle qui entoure le Christ. Donc, il y a une double signification, si vous voulez. Ils sont dans le Christ et ils vont ressusciter tel quel, à la fin des temps, le jour de la résurrection. Les sarcophages ont été acheminés au CHU de Toulouse, votre laboratoire, Éric Crubézy, cela afin d'être ouvert puis fouillé avant d'entreprendre une série d'analyses. L'étude semble s'être faite quasi en milieu stérile, Christophe Beignet. Cela doit bien sûr changer de votre terrain d'habituel. Ah, complètement, complètement. Oui, on a dû appliquer un protocole sanitaire assez strict pour deux raisons. Tout d'abord, par l'ouverture même des cercueils en plomb, il y a eu des projections de plomb. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a fait en dehors de Notre-Dame. On l'a fait dans un milieu particulièrement adapté, donc au CHU de Toulouse, qui nous a très aimablement mis à disposition des locaux. Et on l'a fait, du coup, en combinaison intégrale avec protection, charlotte, gants, masque. Donc à la fois pour protéger nous, les fouilleurs et les intervenants, mais aussi pour éviter toute contamination humaine sur les sépultures elles-mêmes, notamment dans l'objectif de réaliser des prélèvements pour les ADN. Donc c'était à la fois un double but sanitaire, et pour nous et pour les défunts. Éric Crubézy, c'est vous qui avez mis en place ce protocole sanitaire ? Non, c'est pas moi qui l'ai mis en place. D'ailleurs, Christophe pourrait en parler, parce que en dehors du fait qu'il a mené cette fouille de façon remarquable, c'est un héros de l'administration, je dirais, parce que entre le moment... C'est un fin diplomate. Tout à fait, entre le moment où l'INRAP a décidé de transporter ses corps au CHU de Toulouse et le moment où nous avons pu officier tous ensemble, il s'est passé de longs mois, et je peux vous dire que c'est pas effectivement l'objet de l'émission, mais c'est Christophe et tout un ensemble de staff technique, tant de l'hôpital que de l'INRAP, qui ont essayé de mettre au point ce protocole, parce que il fallait d'une part respecter des normes administratives, et d'autre part, ces normes, par exemple, ont considérablement évolué depuis Louise de Kingour. Donc en quelques années, si vous voulez, on a eu une évolution des normes qui fait que je ne m'en suis pas chargé. Quand je dis ça, c'est vraiment Christophe qui a été le centre, et qui, parce que pour nous, on avait le protocole de Louise de Kingour, et ça a terriblement évolué. Et donc c'était une nouveauté totale, je crois, pour l'INRAP et pour le CHU aussi. Oui, exactement, et ça s'est déroulé vraiment à merveille. Christophe, vous avez ouvert, vous avez tous ouvert le premier sarcophage. Pour une fois, l'archéologie savait déjà beaucoup de choses. Donc, oui. Sur le premier individu ? Voilà, exactement. On avait deux cercueils, deux problématiques. Déjà, pour l'un, on a su, en fait, dès la fouille, qui c'était. Puisqu'on a soulevé la dalle funéraire qui couvrait le caveau. Et en fait, on est tombé sur une première grande plaque en bronze qui portait une épitaphe en latine qui nous a précisé qu'il s'agissait du chanoine Antoine de la Porte, mort en 1710. Bon, ceci dit, cette épitaphe aurait pu être posée, cette plaque aurait pu être posée a posteriori. Bon, on a enlevé cette plaque et dessous on est tombé sur le cercueil en plomb qui sur lequel était rivetée une autre plaque en bronze, celle-ci, qui porte à nouveau l'identification du chanoine Antoine de Laporte. Donc là, bon, les doutes étaient plus permis, d'autant plus que les positions stratigraphiques dans lesquelles est inséré ce cercueil correspondaient parfaitement à la date du décès. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Christophe Beignet, qui est ce riche prélat ? Il est forcément riche. Oui, alors Antoine de Laporte était quelqu'un effectivement de fortuné, qui a fait toute sa carrière en tant que chanoine, puisqu'il a été chanoine plus de 50 ans, donc jusqu'à sa mort en 1710. Et donc il était surnommé d'ailleurs le chanoine jubilé. Et c'était quelqu'un de premier plan, qui était d'ailleurs très respecté. On a des écrits qui montrent le respect que lui montraient les autres chanoines, qui était très écouté, et qui à la fin de sa vie a décidé aussi de mettre sa richesse et sa fortune au service de la cathédrale de Notre-Dame, sous deux aspects en fait bien distincts. L'un concerne la réfection de la clôture du chœur. Louis XIII avait voulu déjà en son temps refaire la clôture du chœur. Son décès avait empêché ce projet de se mener à bien. Et Louis XIV a repris ce projet qu'on appelle le vœu de Louis XIII. Et les moyens, en raison des guerres successives menées par Louis XIV, les moyens financiers du royaume étant par conséquent un peu réduits, le chanoine Antoine de Laporte a proposé de mettre à sa disposition, sous forme de prêt annuel de 10 000 livres, jusqu'à sa mort, de mettre à sa disposition ses fonds personnels pour la réfection de la clôture du chœur. Il a par ailleurs aussi, à la fin de sa vie, participé à l'histoire de l'art de manière générale, puisqu'il a financé six tableaux, qui représentent des scènes religieuses qui sont maintenant exposées au Louvre, mais qui à l'origine ont été destinées à orner les différentes chapelles de la cathédrale Notre-Dame. Et il avait des médailles sur son sarcophage. Tout à fait. À sa mort, ont été frappées plusieurs médailles à son effigie, et nous en avons retrouvé trois qui étaient posées sur son cercueil, au niveau de la petite plaque funéraire, et qui pour un côté représentent le chanoine de profil et pour l'autre un olivier. Éric Trubézy, il s'agit d'un vieil homme, 83 ans. Notre chanoine porte-t-il son âge et donc les pathologies qui vont de pair ? Alors, il porte son âge parce que l'intérêt, si vous voulez, de ce squelette, parce que finalement, on est au début du XVIIIe siècle, c'est un sujet qui n'est pas, je dirais, ancien d'un point de vue chronologique par rapport à nous, mais il est rare d'avoir des sujets d'âge identifié. Actuellement, l'anthropologie, grâce notamment à la paléogénomique, aux isotopes, on peut facilement connaître pour un sujet la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux. Les anthropologues ont fait beaucoup de progrès pour déterminer la stature, toutes les caractéristiques qu'on dit phénotypiques. Mais quelque chose qui reste, c'est la détermination de l'âge, qui reste toujours difficile, notamment chez les adultes. Et après 60 ans, on n'a pas d'indication, si vous voulez. Donc avoir un sujet ancien, qui a même de quelques siècles, mais dont on connaît le milieu de vie, dont on sait à quel âge il est décédé exactement, ça c'est une richesse et c'est un sujet d'étude qui est véritablement porteur. Donc ça c'est, je dirais, l'intérêt scientifique du chanoine. Alors ensuite, ben, il présente des caractères de vieillissement qui sont ceux que reconnaissent habituellement les anthropobiologistes, hein, c'est-à-dire qu'il a une symphyse pubienne qui est usée, des surfaces auriculaires au niveau du coxal, etc., qui sont des déterminants importants pour l'âge qui collent. Donc, je dirais, tout colle pour dire qu'effectivement, c'était un sujet âgé. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il a très peu de pathologies dégénératives. On s'attendait à trouver un sujet âgé avec beaucoup de pathologies dégénératives. Il en a très peu, en fait. Comme s'il avait eu, je dirais, une bonne vie, ou il a, en tout cas, par rapport à d'autres sujets qu'on soupçonne âgés, il n'a pas de ce qu'on appelle des anthésopathies, qui sont des marques laissées par les insertions des tendons et des ligaments. Donc effectivement, on rentre assez bien, si vous voulez, ça colle assez bien avec l'idée d'un sujet qui se déplaçait plus en carrosse et qui avait une vie, je dirais, d'un point de vue mécanique, certainement pas très difficile. Et ensuite, il a une goutte qui est... Il a une inflammation au gros orteil. Voilà, une inflammation du gros orteil. Si vous voulez, la goutte, c'est ce qui fait mal au chant du coq la nuit. Alors, c'est quelque chose qui, à cette époque... est connu par ailleurs depuis longtemps, puisque c'était retrouvé chez certains nobles qui abusaient notamment de boissons alcoolisées qui justement avaient été fermées par des qui avaient été scellées au plomb. Et on avait des gouttes au plomb. Donc là, c'est un élément qui sera intéressant à étudier. Donc il avait la goutte. Il avait aussi un angiome vertébral. Alors ça, ce qui est intéressant, si vous voulez, sur un angiome vertébral, c'est que c'est une découverte rare. Simplement, on peut dire que dans les mois précédant son décès, il devait commencer à avoir sérieusement mal au dos. Voilà à peu près ce qu'on peut dire du chanoine, plus ses dents qui, elles, sont beaucoup plus intéressantes, si vous voulez. Son état dentaire est assez étonnant. Il a des dents... Les dents inférieures sont usées, il en a perdu beaucoup, tandis qu'au niveau des dents supérieures, il y en a quelques-unes qui sont très bien conservées. Et avec Philippe Walter, qui dirige le laboratoire CNRS de microarchéologie à Paris, à l'Université de la Sorbonne, on a pu mettre en œuvre une étude sous ultraviolet et qui fait fluorescer certains éléments. Et c'était la première fois qu'on mettait ça en œuvre dans une étude de sépulture. Et on s'est aperçu que, d'une part, il avait certainement, il s'entretenait les dents, et d'autre part, on voit des éléments intéressants qui apparaissent sur le tartre, des fluorescences très particulières, et ça ouvre tout un spectre de recherche dans ce qu'on appelle aujourd'hui la géographie buccale. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que d'une dent à l'autre, eh bien, on trouve pas les mêmes choses. Et jusqu'à présent, nos collègues qui font de la paléogénomique avaient commencé à s'en apercevoir, tandis que là, on s'en aperçoit sous fluorescence. Et donc là, ça nous ouvre des perspectives très intéressantes pour les mois qui viennent. Christophe Beignet, voyons notre second individu. Son cercueil n'a pas été trouvé à sa place initiale, mais fait inconnu. Le sarcophage semble avoir été moulé sur le corps de l'individu. Alors, il y a deux éléments très intéressants dans ce que vous dites. Effectivement, on l'a pas retrouvé dans ce qu'on appelle, nous, la position primaire. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas son lieu d'inhumation initiale. Et sa date. Et sa date, effectivement. Pour le moment, on a donc, quand on est arrivé sur le terrain pour le fouiller, on s'est rendu compte qu'il avait été donc inscrit dans un caveau qui n'était pas le sien. Donc il y a deux éléments qui seront à documenter intéressants. C'est à la fois sa date d'inhumation, mais aussi la date du déplacement. Au-delà même de qui est à l'intérieur et l'étude du squelette. Donc on sait qu'il n'était pas dans sa position initiale, tout simplement parce que le caveau funéraire dans lequel il était inscrit est trop petit pour lui. Du coup, ils l'ont inscrit de biais dans le caveau funéraire afin qu'il tienne au mieux. Et en plus, ses pieds reposent sur une partie détruite du caveau. Donc d'ailleurs, on ne sait pas non plus qui était là dans le caveau initial. Mais ça, c'est un phénomène assez récurrent dans les cathédrales et notamment dans les lieux particulièrement privilégiés comme les croisées de transept, puisque on réutilise régulièrement des anciennes structures funéraires pour réinstaller d'autres défunts au fur et à mesure des besoins qui se profilent. Le cercueil contenait des restes du linceul, mais aussi de très nombreux restes végétaux. Oui. Vous allez pouvoir connaître les saisons et le type de fleurs. On espère, mais c'est vrai que pour cette étude, on a beaucoup de spécialistes qui vont intervenir, parce qu'il y a à la fois donc l'étude du squelette, donc qui fait intervenir effectivement donc des anthropologues de l'INRAP aussi, comme Camille Colonna, Sylvie Duchesne, mais aussi les spécialistes qui vont étudier les restes végétaux, des palynologues, des carpologues, voilà, et donc on fait appel à la fois des collaborations INRAP et aussi des collaborations du laboratoire de recherche des monuments historiques de l'université, donc voilà. Mais effectivement, on a trouvé de nombreux restes végétaux, une très jolie couronne de fleurs séchées tout de même, hein, on n'est pas, les fleurs étaient, qui étaient autour de sa tête. Le crâne a été scié, ce qui indique un traitement mortuaire différent. Il aurait été embaumé, Éric Crubezy? Alors, le crâne a été scié et il y a une fracture d'une partie du sternum qu'on appelle le manubrium, qui est très particulière. C'est parce que quand on appuie sur le manubrium, souvent d'ailleurs en cours pour faire des embaumements, il peut se fracturer. Et il a donc une fracture du manubrium et son crâne a été scié. Ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est que quand on regarde justement ce qu'avait trouvé Rosenkelter à Rennes, les embaumements à l'époque étaient très différents d'un sujet à l'autre, puisqu'il y avait certains sujets pour lesquels on ouvrait le crâne, d'autres on prélevait le cœur simplement, et c'était pas du tout un embaumement parce qu'il fallait transporter le cœur ailleurs. Donc on a des pratiques très diverses, mais quand on a des sujets qui ont eu D'une part, le thorax ouvert, et lui, il semble qu'il était ouvert puisque son manubrium est fracturé, et qui ont eu le crâne ouvert. Là, par exemple, la reine, il y en avait très peu, et ça correspond toujours à des sujets qui se trouvent dans des endroits privilégiés et qui faisaient partie de la haute noblesse. Donc on est effectivement avec un sujet, un cavalier, la trentaine, etc., qui évoque la haute noblesse du point de vue de son traitement de corps. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que l'ouverture de la boîte crânienne ne semble pas avoir été réalisée par un grand spécialiste ou alors avec beaucoup de, je dirais, de tact. Vous voyez qu'il a été cavalier, justement, sur certains os longs et le bassin, c'est bien ça? Et il aurait commencé très tôt? Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui est bien connu et qu'on a particulièrement bien étudié, nous, en Mongolie, où on a beaucoup de cavaliers. Les gens commencent très tôt, si vous voulez, les têtes fémorales et qui se tiennent debout sur leurs étriers, donc ça correspond à une façon de marcher, qui se tiennent debout sur leurs étriers. En fait, les têtes fémorales poussent vers le haut et on a ce qu'on appelle une ovalisation du toit du côtil, c'est-à-dire la partie qui reçoit la tête fémorale. Et à côté de ça, il y a d'autres signes qui sont effectivement très caractéristiques des cavaliers. Donc c'est un sujet qui a fait beaucoup de cheval. Et puis il aurait surtout souffert d'une maladie très grave. Voilà, on s'est aperçu qu'il avait, il est décédé avec une méningite chronique. Et donc ça, c'est des éléments qui sont connus aussi, hein, c'est-à-dire que la tuberculose est une maladie qui peut donner une méningite et parfois une méningite chronique. C'est connu surtout évidemment sur des sujets anciens. Et lui, il présente effectivement une lésion vertébrale qui est fortement évocatrice de tuberculose, donc de tuberculose osseuse, qui touche à peu près 5 ou 6% des gens qui font une tuberculose pulmonaire. Et en plus, cette tuberculose, cette méningite tuberculeuse, qui fait qu'on peut dire que c'est un sujet qui a, lors des derniers mois de sa vie, n'a pas dû avoir une grande activité, si vous voulez, et qui a dû souffrir, oui. Éric Rubézy, il aurait eu aussi, puisque vous êtes toulousain, il aurait eu aussi cette déformation crânienne toulousaine? Oui, il a une légère déformation du crâne qui est là aussi... Alors, c'est étonnant, effectivement, parce qu'il a été transporté à Toulouse et il présente une déformation crânienne. Celui qui présente des déformations crâniennes au XVIIe et XVIIIe, voire XIXe siècle, on en a beaucoup en France, qui présente une déformation crânienne toulousaine, c'est plus rare et c'est souvent localisé dans la région de Toulouse. Donc lui, il a effectivement une très légère déformation toulousaine qui est due au port d'une coiffe de l'enfance, notamment d'un serre-tête au moment du baptême et dans les mois qui ont suivi. En quelques mots, vraiment quelques mots, bien sûr, nous voici au début de l'étude, de la recherche. Vous allez bien sûr entreprendre des études tout azimut, notamment génétiques et isotopiques, sur les deux individus. Mais ça, c'est une discussion qu'on doit avoir avec nos collègues archéologues, en ce sens qu'il y a deux voies de recherche. Il y a une voie de recherche, si vous voulez, qui concerne précisément ces sujets, et notamment, pour le second, son identification, c'est un peu, je dirais, le roman de Notre-Dame, hein, l'identification de ce second sujet à venir. Et il y a d'autres éléments, si vous voulez, par exemple, cette tuberculose, est-ce qu'on peut essayer de la caractériser, savoir quelle était la mycobactérie, c'est-à-dire ce qui l'a provoquée, quelle était sa souche, est-ce qu'elle était comparable à les autres souches du XVIIe siècle? Et là, c'est une question qui est, je dirais, qui échappe un peu directement au sujet lui-même et qui est une question de recherche plus générale, si vous voulez, qui est plus de l'évolution. Éric Rubézy, on rappellera que l'Église catholique a en charge les âmes, l'État et les communes, les corps. J'ai cru comprendre que quelques prélats voulaient bénir les corps dès l'ouverture des sarcophages. Reste la question épineuse d'une nouvelle inhumation dans Notre-Dame de Paris et peut-être d'un double enterrement? Christophe Beignet, en deux mots. Oui, je vais peut-être répondre parce qu'effectivement, alors il y a eu dès la fouille elle-même, Monseigneur Chauvet, qui était à l'époque recteur de la cathédrale, donc a béni les corps. Voilà. Après, les squelettes et les cercueils ont suivi en fait le processus d'études classique en archéologie funéraire. La réinhumation, ce sera une question qui échappe à l'INRAP et qui sera traitée de concert avec les autorités religieuses et le ministère de la Culture. Christophe Beignet, Éric Rubézy, merci beaucoup. Et puis bien sûr, nous restons en contact pour l'avancement donc de cette recherche. Carbon 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Antoine Viossa, et bien sûr avec France Bleu Occitanie à Toulouse, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbon 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, et où retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.